j'avais un marteau digne de ce nom, je me ferais sûrement une jolie maison. Si j'avais un marteau digne de ce nom, je me ferais sûrement une jolie maison. Mais je n'ai pas de marteau, j'ai une scie, un rabot et une jolie guitare. Rien à voir dans l'histoire, mais je n'ai pas de marteau, j'ai une scie, un rabot et une jolie guitare. Rien à voir dans l'histoire, si j'avais des aiguilles et de la laine de mouton, je me ferais sûrement un pullover marron. Si j'avais des aiguilles et de la laine de mouton, je me ferais sûrement un pullover marron. Mais je n'ai pas d'aiguilles ni de laine de mouton, j'ai juste une guitare, j'y reviendrai plus tard. Mais je n'ai pas d'aiguilles ni de laine de mouton, j'ai juste une guitare, j'y reviendrai plus tard. Si j'avais des amis dignes de ce nom, je ne vivrais sûrement pas tout seul comme un con. Si j'avais des amis dignes de ce nom, je ne vivrais sûrement pas tout seul comme un con. Mais je n'ai pas d'amis, par contre j'ai l'air d'un con, et je fais de la guitare, je chante des chansons. Mais je n'ai pas d'amis, par contre j'ai l'air d'un con, et je fais de la guitare, et je chante des chansons. Con, si j'avais une maison, un pullover marron, et des amis même con, je chanterais des chansons. Si j'avais une maison, un pullover marron et des amis même cons, je rechanterai mes chansons. Mais je n'ai pas de maison ni de pullover marron, j'ai pas d'amis même cons, mais il me reste cette chanson. Non, je n'ai pas de maison ni de pullover marron, j'ai pas d'amis même cons, mais il me reste cette chanson.